Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. En ouverture, le groupe Stratovarius avec cet album Visions paru en 1997. Il y a bientôt 30 ans et le morceau Kiss of Judas, voilà, qui fait plaisir à entendre. Restez bien dans votre rocking chair, derrière votre tuner. On passe à la sortie de Frontiers Records avec Phil X and the Drills, le guitariste que l'on avait vu du côté de John Bon Jovi, du groupe de John Bon Jovi, et qui nous sort ici un album solo, Phil X and the Drills, avec du bon hard rock comme il sait le faire, avec Fake the Day Away, et c'est sur Overdrive Radio Dio. Yes, Phil X and the Drills, Fake the Day Away, pour de l'excellent hard rock. Et on va rester maintenant dans ce style-là avec le guitariste qui a maintenant accompagné Glenn Hughes, j'ai nommé le Danois Søren Andersen qui nous sort cet album Live in the Homeland sur Mighty Music avec cet excellent morceau que n'aurait pas renié un Satriani des 80s, ça s'appelle City of Angels. Vous venez d'entendre le guitariste danois Søren Andersen avec cet album Live in the Homeland et ce morceau City of Angels que n'aurait pas renié un certain Joe Satriani. Donc ce soir dans Overdrive, j'aurai la chance d'avoir le guitariste Fanolao qui nous ressort son premier album éponyme sur la clonosphère. Vous l'avez vu si vous avez assisté à la date de Freak Kitchen sur la dernière tournée française pour défendre son dernier album. Est-ce que tu nous entends bien du côté de Bordeaux, il me semble? Ouais, c'est ça, parfaitement bien. Eh ben écoute, c'est parfait. Alors, il me semble que le début de la tournée de Freak Kitchen a été un petit peu compliqué pour toi. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cet événement? Ah ben oui, alors tout bêtement, juste avant la tournée de Freak Kitchen, Hitchon. J'étais en voyage à La Réunion, sur l'île de La Réunion, chez mes beaux-parents, parce que ma femme est réunionnaise. Et donc j'avais tout bien planifié comme il fallait. Je devais arriver la veille de la date à Lille, à Paris. Le temps d'aller ensuite à Lille, de répéter avec le groupe pour nous remettre un peu d'aplomb. Et ensuite faire la date. Et il se trouve qu'il y a eu le cyclone Garance qui est passé sur l'île de La Réunion deux jours avant la date de mon avion. Bon, le cyclone a été un petit peu violent. Bon, heureusement, là où j'étais, c'était pas trop méchant. Mais par contre, d'autres endroits sur l'île ont été lourdement impactés, et notamment l'endroit où il y a l'aéroport, là, dans le nord, à Saint-Denis. Et du coup, les avions ont été décalés de 48 à 72 heures, et je suis arrivé trop tard pour pouvoir faire le premier concert. Voilà. Donc, et après, on s'est repris. On a commencé par la date à Paris, et ma foi, après, on a pu enchaîner le reste sans problème. Ok, j'imagine que ça devait être un gros stress pour toi, puisque vous aviez préparé ça depuis quand même longtemps, il me semble, et que vous sortez là un superbe album. On va reprendre un peu plus en détail ensuite. J'ai eu la chance de vous voir sur la date de Lyon qui concluait, ouais. Qui concluait ce concert. Donc Radio Duo, pour si tu ne connais pas, on a une radio locale du côté de Saint-Étienne qui diffuse à la fois sur la bande FM locale et puis bien entendu en streaming et podcast ensuite. Ouais, ça a été pour vous, j'imagine, Lyon, une belle conclusion sur cet ensemble de dates. Ouais, super. Déjà la salle de La Réunion est vraiment super. C'est vraiment un très beau lieu, très agréable à jouer, avec un très beau plateau, ce qui fait que même quand on est en première partie, quand on est en première partie, on n'a pas toujours beaucoup de place sur les plateaux, parce que il faut essayer de laisser un maximum en place le groupe de la tête d'affiche. Mais là, il y avait vraiment beaucoup d'espace, donc ça a été très confortable de jouer là-bas. L'équipe technique et l'orga étaient vraiment super aussi, ce qui fait que ça a été un concert très agréable à faire. Et en plus de ça, ma foi, le public était quand même assez important, impliqué. Et on a vraiment passé un très très bon moment. Et puis c'est vrai que comme c'était le troisième concert là dans la semaine, on commençait à être un peu affûté, un peu rodé, et c'était vraiment chouette. Ouais. J'imagine en plus qu'avec les joyeux drills suédois de Freak Kitchen, vous n'avez pas dû vous entumier. Non, c'est clair, non, c'était cool, ouais, très bien. Et puis en plus, je les connais depuis quelques années quand même déjà, ces jeunes gens, donc non, c'était très bien. Ok. Donc, tu n'es pas là uniquement pour nous parler de tes déboires sur les scènes, mais également de nous présenter un peu ce premier album solo. Alors, c'est pas vraiment un premier enregistrement pour toi. On t'a notamment vu participer au projet United Guitars il y a de ça quelques années. Et là, tu nous sors ton premier album solo en tant que rock, hard rock, un petit peu côté justement instrumental, guitare et rose, mais également un invité de marque, bien entendu, qu'on va présenter tout de suite, en la personne de Jeff Scott Soto, l'homme aux innombrables projets. J'en ai encore diffusé semaine dernière avec son projet Wet. W-E-T, pour ceux qui ne connaissent pas, qui mélange à la fois des membres de Talisman, son excellent groupe des années 90. Bien sûr, il a chanté sur les premiers albums de Malmsteen, Sons of Apollo, bref, plein de choses. Comment s'est fait cette rencontre, cette collaboration? Clairement, il y a pas mal d'années, là, j'avais eu l'honneur et l'immense plaisir de tourner avec Rod Tal, Bumblefoot. On est amis, on se connaît depuis quand même pas mal d'années. Et quand j'ai commencé à travailler sur mon album solo avec la volonté de faire des morceaux chantés, je savais déjà que je voulais travailler avec plusieurs chanteurs ou chanteuses, un peu dans l'esprit de ce qu'avait fait Slash avec son premier album solo, ou ce que fait Mark Morton aussi. Et du coup, j'étais parti là-dessus, et j'avais trois morceaux qui étaient vraiment dans ce circuit un peu hard rock, post-80, début 90. Et je cherchais des voix, en fait, des personnes qui étaient intéressées pour travailler sur ces morceaux-là. Et du coup, j'ai demandé à Ron si tout bêtement, il connaissait pas quelqu'un dans son réseau qui pourrait éventuellement être intéressé pour travailler sur ces titres-là. Et quand je lui en ai parlé, je lui ai dit que je cherchais un chanteur un peu dans l'esprit David Coverdale ou Jeff Scott Soto, quoi. Et en fait, Ron m'a immédiatement dit on peut demander à Jeff, ça mange pas de pain. Et du coup, moi j'étais un peu surpris parce que moi c'est un de mes chanteurs favoris. Il se trouve que Ron jouait avec lui à ce moment-là. Dans Sons of Apollo. Et puis, c'est vrai que j'avais eu l'occasion de les rencontrer. Ron, à chaque fois qu'il passe en France, je vais le voir, hein, généralement, on passe un moment ensemble et tout ça. Et puis donc, j'avais eu l'occasion de croiser Jeff, qui avait l'air vraiment très chouette. En fait, c'était vraiment un bon moment. Et du coup, ben, quand il m'a suggéré ça, bon, ben, j'étais un peu surpris. Et du coup, ben, 10 minutes après, je me retrouvais à discuter avec Jeff, à lui présenter un peu les morceaux, le projet. Et puis, il s'est montré vachement intéressé, quoi. Ça, il a dit que, bon, sur le principe... Alors, le fait qu'on soit amis avec Ron aussi joue un peu en ma faveur, mais que les morceaux lui plaisaient. Et du coup, ben, on a enclenché la collaboration et ça a été d'une efficacité redoutable parce que comme tu le dis, c'est quelqu'un qui a contribué à énormément de groupes, d'albums, de voilà. C'est quelqu'un qui est très autonome et très efficace dans le travail de création et d'enregistrement. Et ça a été monstrueux. Et moi, la première fois que j'ai reçu le tout premier morceau qui est Die to Live, là, qui est un des morceaux de l'album, franchement, j'étais sur le cul. Le boulot qu'il avait abattu en une journée était incroyable. Et ça a confirmé mon intuition du départ, c'est que c'était typiquement le genre de gars qu'il me fallait. Et en quelque part, je me demande, bon, si quand j'ai composé ces titres, j'avais pas inconsciemment modélisé le truc pour avoir ce Jeff ou un autre. Voilà. Oui, alors sur le premier morceau qu'on diffusera ce soir, qui est d'ailleurs le morceau que vous avez choisi de mettre en avant sur l'album, Hate ouais. for Sale, on retrouve ouais. vraiment une saveur de Talisman. Je sais pas ouais, si ouais. c'est un groupe que, à mon avis, tu as dû écouter. Oui, j'ai écouté parce que, comme je dis, j'aime beaucoup Jeff et sa manière de chanter. Donc, en effet, ça fait partie des groupes que j'ai pu écouter à l'époque, ouais, hein, quand il faisait ça avec Marcel Jacob et tout ça. Mais c'est vrai que, par contre, c'était pas forcément conscient et volontaire de me rapprocher de ce son-là, même si à côté de ça, comme je disais, de par l'affection que j'ai du travail que fait Jeff, ben forcément, on retrouve quand même quelques éléments communs. Ouais. Oui, et puis on peut signaler à l'époque le travail, comme tu l'as dit, de Marcel Jacob, un excellent bassiste, malheureusement, peu reconnu de nos jours. Ouais. Alors, pour ceux qui aiment un petit peu la basse, imaginez une star comme Billy Sheehan avec un Mediator, et puis vous aurez une idée de ce qu'était Marcel Jacob. Un bassiste absolument extraordinaire, tout simplement, trop peu reconnu, et qui a participé aussi aux premiers albums de Malmsteen, en compagnie de Jeff Scott Soto. Et à mon sens, il n'est pas étranger au succès et puis à la réussite de ces albums-là, hein, puisque c'était quand même quelqu'un d'extraordinaire, à mon avis, dans son jeu. Ah ouais, clairement. Et bon, et qui est disparu un peu trop tôt, hein, très clairement, parce que c'est quelqu'un qui est décédé et qui a laissé un vide. Mais c'est vrai que c'était un excellent musicien et qui aurait mérité de poursuivre une carrière et de pouvoir mériter une reconnaissance plus importante. Ouais. Ok, alors voilà. Donc, dans ton style, on brasse un petit peu les influences rock. On est dans une influence quand même relativement rock, avec des touches peut-être parfois un petit peu pop, mais on n'oublie pas également le côté progressif et le côté métal. Donc comment est-ce que tu définirais un petit peu l'esthétique, hein, plutôt qu'un style, mais l'esthétique générale de cet album? Ben, je crois qu'en effet, tu étais complètement pertinent dans ce que tu viens de dire. C'est que bon, moi, je pendant longtemps, j'ai cru que j'étais un guitariste de métal, et en fait, pas du tout. Je suis un guitariste de rock et de hard rock, très clairement, de par mes influences. J'aime beaucoup le métal, j'en écoute, je m'en inspire. Mais c'est vrai que, bon, je suis vraiment... Moi, je suis un immense fan de Van Halen. J'ai beaucoup aimé des guitaristes comme Jeff Beck, Steve Lukather, etc. Et c'est vrai que je fais une musique qui a un peu dans la lignée de ce que peut faire Europe ou d'autres groupes dans le genre, qui ont quand même des racines vraiment hard rock. Mais par contre, c'est vrai que sur cet album solo, justement, tout l'enjeu pour moi, c'était de pouvoir libérer d'autres influences que je pouvais avoir. Et ce qui a amené à des morceaux qui, tout en ayant, je pense, une identité un peu commune, un son commun, ont malgré tout des esthétiques un peu variées, assez différentes. Et ça, c'était vraiment quelque chose de positif pour moi, quoi, de pouvoir un peu mélanger tout ça. Donc, il y a cette dominante rock hard rock, il y a des petits côtés grunge sur certains morceaux, un peu punk. Et à côté de ça, il y a des morceaux qui sont plus électro. Il y a à la fois des morceaux qui sont très organiques, très dépouillés. Et à côté de ça, d'autres morceaux qui sont beaucoup plus produits, avec beaucoup des synthés, des choses comme ça. Mais à l'arrivée, du coup, ça apporte cette petite touche un peu progressive aussi, dans la mesure où, les morceaux sont tous... Bon, je vais pas dire très longs, parce que c'est pas du Dream Theater pour autant, mais on est sur des titres qui font 6-7 minutes. Tout bêtement, parce que j'ai pris le temps de développer les idées telles qu'elles me venaient et de volontairement pas trop me formater. Donc, je pense que la qualification, en effet, de... hard rock, pop, progressif, un peu électro, et un peu vaste comme ça est un bon descriptif. Alors moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est un peu comment est-ce que tu as procédé à l'écriture de ces morceaux. Est-ce que tu es venu avec des maquettes qui étaient absolument, on va dire, fignolées de A à Z dans les moindres recoins, ou alors avec quelqu'un comme Jeff Scott Soto, est-ce que tu lui as laissé, on va dire, une part de carte blanche sur à la fois peut-être les paroles, les mélodies vocales, ce genre de choses? Alors, moi, en fait, la manière dont j'ai travaillé, j'ai vraiment composé au fur et à mesure que j'enregistrais. C'est-à-dire que, bon, j'ai commencé à travailler dessus fin 2019. Il se trouve que je venais de déménager, que j'avais une maison dans laquelle j'avais une pièce dans laquelle je pouvais me poser, mettre un peu de matériel et travailler tranquillement, quoi. Et du coup, j'ai commencé à enregistrer des bouts d'idées. Et à voir où ça me menait, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la plupart des morceaux à les enregistrer, je savais pas forcément ce qui allait arriver derrière, quelles étaient les parties, etc., etc. Et j'ai enregistré les choses un peu de manière séquencée. C'est-à-dire que quand j'avais une idée, je l'enregistrais jusqu'à ce qu'elle ressemble vraiment à ce que j'avais en tête. Et après, généralement, je m'arrêtais pour pouvoir, laisser reposer et voir un petit peu, justement, où ça m'amenait derrière, comment ça attirait d'autres idées. Jusqu'à ce que j'obtienne des morceaux dont l'orchestration et l'arrangement étaient finalisés. Et donc, en effet, quand j'ai eu fait ces morceaux, bon, il y en a certains, il y en a trois en l'occurrence, dont pour moi, il était relativement évident et clair que je pouvais les finaliser au format instrumental, un peu dans l'esprit de ce que je faisais à l'époque avec Plugin, parce que j'avais un duo guitare, de métal instru qui était un peu dans le même esprit. Mais c'est vrai que à l'époque, quand je faisais cette musique instrumentale, j'avais quand même malgré tout toujours envie de faire plutôt une musique chantée, mais sans rencontrer vraiment le chanteur ou la chanteuse qui aurait pu vraiment coller à ce que je faisais. Et c'est pour ça que finalement, là, quand j'ai attaqué l'album, je me suis dit, je vais avancer sur mes idées de chansons et je verrai bien après à quel type de chanteur je peux proposer selon les morceaux. Et du coup, la manière dont j'ai procédé avec Jeff, et ça a été à peu près pareil avec les autres chanteurs qui sont sur l'album, c'est que j'envoyais les morceaux finis, les instrus finis. Généralement, j'avais une idée du titre du morceau. Je savais quel thème je voulais aborder sur les morceaux, donc j'avais déjà le titre. C'est-à-dire que quand Jeff a travaillé sur Head for Cell, je lui ai dit ça va s'appeler Head for Cell, et je voudrais que ça parle de ça. Mais c'est tout. En fait, je lui ai pas fait de texte, et je lui ai pas non plus volontairement donné de ligne mélodique particulière. Parce que justement, moi, quand il m'a demandé au début, du coup, tu veux que je fasse quoi? Je lui ai dit, j'aimerais bien que tu fasses du Jeff Scott Soto. C'est-à-dire, moi, j'aime ce que tu fais. Généralement, ça me paraît cohérent. Donc, j'ai dit, écoute, pour l'instant, je préfère volontairement pas te donner plus que ça pour voir un petit peu ce que ça t'inspire. Et j'ai très bien fait parce qu'en fait, tout ce qu'il y a sur l'album, c'est du Jeff, quoi. Le texte, les mélodies, les chœurs, c'est vraiment lui qui a pondu ce qui lui paraissait cohérent. Et franchement, je lui ai rien demandé de retoucher parce que à chaque fois, j'ai trouvé ça parfait, en fait. Voilà. Et les autres chanteurs, ça a été un peu pareil, même si de temps en temps, sur certains morceaux, je leur ai demandé des toutes petites corrections, mais c'était vraiment mineur. Non, à chaque fois, ils ont vraiment contribué à la finalisation des morceaux. Alors moi, j'ai une question qui me taraude un petit peu. C'est souvent, ouais. Quand on a, un guitariste qui écrit des morceaux, il va avoir un peu le point de vue de la guitare. Hein. Ça, c'est un petit peu un défaut. Alors, je ne sais pas si c'est un défaut, mais un tic qu'on a tous, c'est de penser un petit peu à notre chanson en tant que guitare. Et à mon avis, le chanteur, lui, il a le point de vue inverse. Il va avoir sa mélodie vocale et il va ensuite passer à penser à l'accompagnement. Et je pense que beaucoup de classiques du hard rock, du metal, ont été, des riffs classiques du hard rock et du metal ont été en fait très souvent composés ou alors imaginés en tant que point de départ par des chanteurs. Tu me diras, je pense qu'un riff comme celui de Holy Diver de Dio a été pensé par Dio et peut-être ensuite fignolé par Viviane Campbell ou les guitaristes qui l'a accompagné. Donc, est-ce qu'ils t'ont, tous ces chanteurs t'ont dit, là, ce serait pas mal de mettre tel accord, là, de peut-être changer un petit peu la tonalité ou... Non, franchement, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé, mais parce que je pense que moi, quand j'ai fait mes chansons, comme je te dis, je savais que je voulais que ce soit des chansons. Donc la manière dont j'ai organisé les morceaux, je pense que volontairement et aussi un peu inconsciemment, j'ai vraiment toujours fait attention à laisser une place et, en fait, j'ai essayé de créer des écrins pour du chant. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui fait que du coup, tous les chanteurs qui ont bossé sur les morceaux derrière ont très naturellement trouvé leur place, c'est parce que justement, je pense que moi, dès le début, j'ai veillé à pas me laisser emporter par mes habitudes de guitariste. Le seul changement qu'il y a eu, c'est sur un morceau qui s'appelle Newfound World, où à un moment donné, Jeff, sur le premier couplet, trouvait que le couplet était un peu trop long. Et donc, il m'a fait une proposition en le raccourcissant, parce qu'il me disait que, bon, justement, au regard de la richesse du pré-refrain qu'il y avait derrière, il trouvait cohérent de le faire comme ça. Il m'a envoyé une idée, enfin, il a fait un espèce de petit montage, et en effet, c'était complètement cohérent, donc on a raccourci les choses. Mais franchement, en dehors de ça, les morceaux sont à l'identique de ce que je leur ai envoyé quand ils ont commencé à travailler dessus. Ok, je te propose d'en passer un premier extrait, ouais. Un premier extrait pour ce soir avec Eight for Sale, qui est un excellent, excellent titre par Fanalo, extrait de son premier album éponyme, bien entendu Jeff Scott Soto, mais là aussi plein d'autres invités, on en parlera tout de suite après. Ouais. Place à la musique maintenant avec Eight for Sale par le guitariste Fanalo. Love in disguise is hate for sale. Seduces everyone. You get all that you pay for. Oh, we color the lines with hate for sale. The war has just begun. We all know. This day was coming. Hate for Sale sur le premier album de Fanalo avec cet excellent morceau sur lequel vous retrouviez le chanteur de Wet, le chanteur de plein de choses, de son chanteur solo également. J'oublie même tous les innombrables projets qu'il a pu avoir au moment de sa très longue carrière. Moi je l'avais vu, il me semble, à Belfast aux alentours de 2007-2008 dans une salle de concert qui se trouvait à l'étage d'un pub. C'était un peu bizarre comme endroit. On a l'impression d'aller dans un pub où il y avait, tu vois, le match de foot qui était diffusé sur écran géant. Et puis on allait dans un tout petit escalier exigu dans un coin. Et puis on se disait, mais c'est pas possible, le concert, elle est pas là. Et à l'étage, il y avait une grande salle de concert, mais grande en plus. Donc c'était assez marrant. À l'époque où il était donc en solo avec le guitariste Howie Simon, il me semble. Ouais, d'accord. Ok, ouais, mais ça m'étonne pas. Ouais. Et c'est vrai que Jeff, ben, tu vois, quand j'ai travaillé avec lui, en discutant, il me disait qu'il avait travaillé sur à peu près entre 650 et 700 morceaux, tu vois, d'accord, avec des collaborations diverses et variées. Donc en effet, c'est un mec qui a, au cours de sa carrière, fait énormément de choses et qui continue régulièrement, y compris sur scène, à assurer les voix dans plein de configurations différentes, notamment avec le Transylvanian Orchestra. Tous les ans, il fait dans le Transsibérien, donc au Kessia, pardon, il fait à chaque fois novembre-décembre, il fait, je sais pas, il doit faire peut-être 40-50 dates en un mois et demi, deux mois, quoi. Ouais, et il arrive à conserver sa voix, hein, mine de rien, puisqu'il est quand même plus. Enfin, il a plus 30 ans, quoi, malgré tout. Non, mais il est très professionnel, très, très professionnel. Donc, du coup, je pense que c'est quelqu'un, en effet, qui fait ce qu'il faut. De toute façon, c'est son gagne-pain aussi, hein, donc. Voilà, mais je pense qu'en effet, c'est quelqu'un qui a vraiment une rigueur professionnelle et un peu sanitaire, santé, qui est assez sérieuse, quoi. Voilà. Donc, mais moi, j'ai vraiment été impressionné par son professionnalisme, parce que les trois morceaux, l'expérience qui était marrante, c'est que bon, moi, je l'ai envoyé. Alors, en fait, avant qu'on attaque un morceau, il me disait bon, ben là, je vais avoir deux jours où je suis un peu tranquille, donc on peut travailler sur un truc là. Donc, du coup, moi, je lui ai envoyé le morceau. Et en plus avec le décalage horaire, tu veux, moi quand je lui écrivais c'est plutôt le soir et lui c'était le matin pour lui, quoi. Yeah, oui. Donc du coup je lui envoyais le morceau, je me couchais, le lendemain je me réveillais, le morceau était fini. C'est-à-dire qu'il avait plié le truc dans la journée, il avait fait ses mélodies, ses textes, ses chœurs, parce que là par exemple sur Hate for Sale on entend bien, il y a plein de voix, il y a plein de choses, et non c'est monstrueux, ce mec a une efficacité à tout niveau, hein, que ce soit sur l'écriture, l'enregistrement et tout le reste. Non, il est très très pro, donc ça m'étonne pas du tout qu'en effet on le sollicite régulièrement pour plier des titres, parce qu'il est redoutable, quoi. Ok, alors j'ai une question aussi qui me taraude un petit peu. Tu sais, toi qui a travaillé et vécu dans le milieu de la pédagogie musicale, on a quand même tendance à glorifier un petit peu l'aspect technique de la chose, tu vois. Alors, bien sûr, avec des groupes comme Dream Theater qui ont mené ça tambour battant pendant de nombreuses années. Mais est-ce que tu penses qu'il est plus difficile d'écrire une chanson, une véritable chanson qui peut se retenir avec des mélodies, plutôt que d'empiler, on va dire, les notes, les passages techniques, ou bien les riffs alambiqués dans tous les sens? Ben, objectivement, je pense que ça dépend des personnes. Je pense que pour des musiciens, justement, vachement engagés dans leur pratique instrumentale, comme Petrucci, Porto et d'autres, je pense que pour eux, justement, d'abord, je pense que c'est quelque chose qu'ils aiment faire, en sachant qu'en plus, bon, chez Dream Theater, malgré tout, il y a de bonnes chansons, il y a des refrains, il y a plein de choses, c'est loin d'être uniquement du déballage, quoi. Mais je pense que malgré tout, pour eux, ça va avec leur personnalité. Moi, je suis très ami avec Patrick Honda, par exemple, qui fait une musique quand même assez, on va dire, aussi calibrée, technique, etc. Mais ça va bien avec sa personnalité, en fait. C'est quand même quelqu'un qui aime bien la mécanique, tu vois, qui aime, d'ailleurs, il a de vraies mécaniques, les bagnoles et tout ça aussi, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui aime bien, tout en faisant de la musique, il aime bien articuler les trucs et tout ça. Donc, je pense que pour lui, c'est vraiment évident de faire ça. Pour moi, c'est moins ma nature. Moi, je l'ai eu fait aussi à une époque. Mais en le faisant, je me suis aperçu, bon, c'est marrant, à la fin, t'es content. Mais c'est pas pour autant ça qui fait une grande chanson, quoi. Et à côté de ça, t'as des individus comme Paul McCartney, où je pense que le mec, il peut te faire une chanson magnifique sans même le faire exprès, quoi. Donc, je pense que ça dépend vraiment des sensibilités. Moi, par contre, ce que je peux dire avec le recul, c'est que moi, je pense que c'est plus difficile de faire remarquablement bien sonner un morceau d'AC/DC que, tu vois, un morceau de Dream Theater, quoi. C'est-à-dire que, parce que justement, moyen d'information, plus c'est compliqué de l'amener à son paroxysme, tu vois, à son culminant, quoi. Et alors que quand il y a beaucoup d'informations, bah, le fait qu'il y ait beaucoup d'informations crée moins de vide, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc du coup, moi je pense que les deux sont simples ou compliqués selon les personnes, mais qu'en effet, par contre, moi personnellement, je trouve que ouais, c'est un vrai talent de par exemple, tu prends le solo de Comfortably Numb de David Gilmour qui fait un peu référence, tu vois, sur les solos qui sont pas forcément très rapides, très voilà. C'est extrêmement compliqué d'arriver à pondre un truc comme ça avec aussi parfait, quoi. Oui, parce que ça fait pas vide en fait, même si. Non, au contraire. Voilà, ouais, et puis malgré tout, je pense que d'une certaine façon, on a tendance à mélanger deux choses, c'est la technique et la vitesse, c'est deux concepts différents. Si tu écoutes certains musiciens ou certaines compositions, ça va pas forcément vite, mais ça reste compliqué, ça reste difficile à faire, tout simplement. L'exemple parfait, ce serait Jeff Beck. Il a jamais joué vite en tant que tel. Tu me l'ôtes de la bouche, j'allais le dire. Mais faire sonner une guitare comme lui, je pense qu'il faut se lever tôt le matin, quoi. Ah mais non, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que en fait, en effet, Jeff Beck, c'est un mec qui n'était pas forcément réputé pour être, tu vois, c'est pas Yngwie Malmsteen, quoi, au niveau vitesse d'exécution, quantité de notes et tout ça. Mais par contre, moi, je pense qu'en travaillant, on peut débiter des plans à la Malmsteen avec rigueur, tu vois, c'est pas un souci. Par contre, je pense qu'on peut jouer de la guitare toute sa vie et ne pas arriver à jouer Where Are You de Jeff Beck comme il l'a eu fait, quoi, tu vois. Je pense qu'il y a... C'est, en plus, ce qui rend ça compliqué, c'est que même si tu voulais réaliser la partition de certains morceaux de Jeff Beck, tu ne pourrais pas écrire la totalité de ce qu'il produit musicalement. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Sur la nuance, sur le toucher, sur la manière de placer les notes en termes de tempo, etc., enfin de placement rythmique, c'est là que c'est magique. Hein, c'est trop humain, en fait. C'est trop humain, voilà, pour être écrit sur un papier. Exactement. Alors que du Dream Theater, c'est bien structuré, etc., etc. Donc, pour le coup, c'est beaucoup moins compliqué à rationaliser. Après, c'est beaucoup de boulot pour le faire bien, et en particulier le faire sonner comme ils le font, hein, ça c'est clair. Mmh. Mais dans tous les cas, je pense que... En effet, je pense que c'est une erreur de poser les deux. Je pense que c'est deux manières de faire. Et là aussi, je pense que ça dépend vraiment des individus, quoi. Tu vois, je crois que le plus important, c'est d'aller à fond dans ce qu'on est. Tu vois. Et Jeff Beck était monstrueux pour aller au fond de ce qu'était Jeff Beck, comme Steve Vai est monstrueux pour aller au fond de ce qu'est Steve Vai. Tu vois. Et les deux, pour moi, me touchent de la même manière, mais pas avec les mêmes moyens, quoi. Voilà. Oui, et puis du coup, c'est un petit peu pour ça que des musiques comme celle de Jeff Beck, qui sont foncièrement personnelles et habitées par leur géniteur, tout simplement, ne pourront jamais réellement être créées par une IA, qui pourra tout simplement peut-être faire une pâle imitation de quelque chose, mais au final, ça intéressera jamais personne. Bah, de toute façon, la particularité, c'est que l'IA, pour développer ce qu'elle propose, elle se base sur l'existant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des algorithmes qui vont piocher dans des milliards de données, de ressources, de morceaux, pour arriver à compiler des choses. Mais l'IA, je pense qu'elle ne peut pas, comme le faisait Jeff Beck, si tu veux, générer quelque chose qui n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et dans la manière d'interpréter. Donc, moi, je pense qu'en effet... Moi, je suis pas hyper inquiet de ça, en fait, quoi. Peut-être que je me trompe, et je sais pas si je vivrai assez vieux, parce que je suis tout jeune, pour le voir, tu vois, au sommet de ce que ça pourrait être. Mais objectivement, je pense que de toute manière, il y aura toujours moyen pour les musiciens d'exister dans les espaces vides. Tu vois ce que je veux dire, entre les neutrons et les électrons, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a Jeff Beck était un excellent exemple de ça. Je dis son placement en termes de rythme, d'interprétation, tu ne peux juste pas le calibrer. C'est de l'inspiration pure. Donc, et je pense qu'il y aura toujours des musiciens et des musiciennes pour proposer des configurations de composition ou d'interprétation qui n'existaient pas, tu vois. Et c'est d'ailleurs ce qui nous intéresse. Quand quelqu'un arrive avec quelque chose de nouveau qu'on n'avait jamais imaginé, ben forcément, tout de suite, ça te touche, quoi. Et c'est encore plus fort avec Beck, c'est que Beck composait très peu, hein. Il a la quasi-totalité de son répertoire, c'est des morceaux qui lui étaient soumis par ses musiciens ou des reprises, des choses comme ça. Et tu vois, ben, lui, malgré tout, avec des morceaux qui étaient déjà existants, je pense notamment à Goodbye Pork Pie Hat, Domingus, bah, tu vois, il a fait un truc avec ce morceau qui était totalement nouveau, tu vois, et inenvisageable. Donc c'était ça son talent. Ça te fait aussi penser, alors là c'est un morceau, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais sur un des albums qu'il a fait là, plutôt sur la fin de sa carrière, il reproduit des chants d'oiseaux avec la guitare, mais c'est un truc de fou, quoi, tu vois. Et c'est magnifique. Donc voilà, moi je crois que cette improbabilité-là, une intelligence artificielle va avoir du mal à être capable de la générer, parce que c'est un phénomène naturel, et qu'une intelligence artificielle ne sera jamais un phénomène naturel. Exactement, ouais. Et puis bien entendu, pour reproduire une musique qui est déjà à la base créée 95% par des ordinateurs, là forcément c'est possible, puisque là on part de quelque chose qui est très, très normé en fait, et, ouais. Et ça se fait quasiment tout seul. Ouais, tout à fait. Ok, alors maintenant revenons un petit peu à ton album, si tu le veux bien. Est-ce que tu peux nous présenter le groupe qui t'a accompagné sur scène C'est sur les dates françaises, là. Alors, ouais, tout à fait. Donc, en effet, bon, sur l'album, à part les chanteurs, j'ai fait quasiment, à quelques exceptions près, l'essentiel moi-même, parce que j'en avais besoin. Mais par contre, une fois que j'ai fini de finir les morceaux, de les enregistrer, etc., ben, j'avais vraiment envie d'aller sur scène, mais j'avais aussi envie de retrouver la dimension du groupe. C'est-à-dire que même si les musiciens suivent les parties que j'ai pu mettre sur l'album, ben, moi, il m'importe vraiment de profiter de leur présence, de leur identité, etc., etc. Et donc, du coup, assez rapidement, j'ai envisagé la construction de ce groupe. Et c'est vrai que bon, moi aujourd'hui j'ai 50 ans, j'ai un peu plus de 30 ans de parcours et de carrière derrière moi. Et j'ai eu la chance de rencontrer toutes ces personnes qui sont avec moi sur scène au fur et à mesure de ma vie. Et il se trouve que ce sont à la fois donc d'excellents musiciens professionnels, mais ce sont surtout aussi des amis. Et en l'occurrence, donc, à la batterie, il y a Romain Vicente, qui est un ancien stagiaire du centre de formation que je dirige là à Bordeaux, mais qui est professionnel maintenant depuis une quinzaine d'années. J'avais suivi son parcours, et de par nos affinités humaines et musicales, c'est la première personne à laquelle j'ai pensé. Ensuite, à la basse, il y a Johan Roy, c'est le bassiste d'un groupe qui s'appelle Nihil. Il y a eu un petit peu de renommée et de succès dans les années 2000. Ah oui. C'était une espèce de néo-metal pop. Et donc, pareil, Johan, on se connaît depuis pas mal de temps. C'est un excellent bassiste. Et en plus, c'est un mec dont moi, j'apprécie beaucoup la culture. La culture rock, régulièrement, on s'appelle, on s'envoie des trucs. Et il a vraiment le patrimoine, quoi, pour jouer cette musique-là. Ensuite, pardon, je tousse. Alors à la guitare, il y a Nicolas Dupont. C'est un jeune qui, pareil, est passé par le centre de formation, là, le SIAM, donc je dirige. Et pareil, lui, j'ai beaucoup aimé sa rigueur, son travail, et puis sa musicalité. Et pareil, il s'est professionnalisé. Et on est devenus amis aussi, parce que c'est vraiment, les tous, hein, c'est des personnes que j'aime beaucoup, vraiment des très chouettes personnes. Ensuite, il y a Manu Martin au clavier. Alors Manu, ça fait 30 ans que je le connais, et puis par ailleurs, c'est le clavier de Patrick Honda depuis 25 ans, je crois. Et c'est quelqu'un qui vit sur Bordeaux, que je fréquente beaucoup aussi, et qui est un musicien brillant. Et enfin, au chant, sur les morceaux de l'album, il y en a un qui s'appelle Rise, et on va dire une influence un peu pop. Et pour moi, le patron en pop parmi mes amis, c'est lui, c'est Christophe Hitturitz. C'est quelqu'un qui aime énormément notamment les Beatles, Peter Gabriel, etc., etc. Et quand j'ai composé ce morceau Rise, pour moi il y avait une petite intention de chanson un peu timbrée Beatles, et du coup c'est vers lui que je me suis tourné en lui disant écoute, je fais un morceau, c'est moi et Jude, est-ce que ça te dirait de poser les voix dessus? Et alors là il m'a dit tout de suite, et le résultat est vraiment excellent. Et Christophe, vu que ça s'est très bien passé et qu'on est très très amis tous les deux, sachant que lui, son instrument principal, c'est plutôt le clavier et le piano d'habitude, mais moi j'ai toujours cru en lui en tant que chanteur, et notamment en tant que chanteur de rock. Et du coup je lui ai proposé de voir s'il était partant pour venir jouer avec moi et ce groupe, et en l'occurrence il a accepté. Mais surtout, et ça je m'en doutais un petit peu, c'est que malgré le fait que les quatre chanteurs aient tous des identités et des timbres de voix un peu différents, lui, il arrive vraiment à incarner les titres. Il chante aussi bien les morceaux de Thomas Smith que celui de Butcho, que ceux de Jeff Cotsoto. Et du coup, ben, ça amène une cohérence au groupe et au projet qui fonctionne très bien. Et je pense que ça s'est confirmé sur la route, là, avec les dates. Ça marche très, très bien. Il fait vraiment honneur aux différents morceaux. Voilà, donc, mais voilà, l'équipe dans sa globalité, je réfléchis bien. J'ai bien cité les 5 personnes, mais j'ai oublié personne, j'espère, donc c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la suite pour Fanalo? Est-ce que vous allez reprendre un petit peu le projet de cette façon-là? Ou alors, est-ce que ça pourrait tout simplement revenir, la formation live pourrait devenir un vrai groupe sous ta direction, entre guillemets? Alors, là, dans l'immédiat, pour moi, cette équipe-là, c'est l'équipe prioritaire et titulaire pour le live avec moi. Par contre, ils sont tous musiciens professionnels, très occupés, etc. Donc, il arrivera, c'est à peu près certain, que je me retrouve à devoir assurer des concerts et où l'un d'entre eux ne serait pas forcément disponible. Donc, du coup, on a déjà entendu des choses sur le fait que je suis susceptible de faire appel à des remplaçants selon les besoins, les opportunités et les moments. Mais par contre, la première chose que je fais quand on me propose un concert, c'est vérifier si ces 5-là sont dispo. Et par contre, sur la suite, donc bon, là, on va avoir quelques concerts. On doit faire une release partie sur Bordeaux là au mois de juin. Ensuite, au mois de novembre, on assure un concert avec Kiko Loureiro à l'Empreinte, là, à Savigny-le-Temple. Ah oui. Et bon, il y aura sûrement d'autres dates, et donc j'espère les faire avec eux. Par contre, moi, sur le processus de création pour la suite, je ressens vraiment le besoin de continuer comme je l'ai fait sur le premier album. C'est-à-dire que, à minima, je pense que je ferai des maquettes, des enregistrements chez moi, comme je les ai fait pour le premier album. Maintenant, l'avenir dira si à un moment donné j'ai l'opportunité de cette fois-ci peut-être rentrer en studio avec un peu plus de moyens que je n'en ai eu pour le premier. J'envisagerai peut-être en effet de faire appel à des musiciens pour enregistrer les versions définitives des morceaux. Et dans ce cas-là, il sera en effet naturel de les solliciter eux en premier. Mais par contre, en effet, moi, de toute manière, je ferai toutes les pré-prod, je ferai toute la composition tout seul, parce que non pas que je veuille pas partager avec les autres, mais en fait, ça a été tellement libératoire pour moi en termes de processus créatif de fonctionner comme ça que je ressens le besoin. J'ai pas encore fait le tour de la question, tu vois, et je ressens le besoin de continuer comme ça. Et de la même manière, je pense que je vais continuer à faire appel à des chanteurs, à des invités, à des personnes autour de mon projet, parce que d'abord j'aime ça, j'aime bien travailler avec plein de personnes différentes. Et en plus de ça, ça me donne énormément de liberté. Parce que, tu vois, un morceau comme Why, par exemple, sur l'album, je suis pas sûr que Jeff aurait pu coller aussi bien que l'a fait Thomas, qui chante là-dessus. Le morceau que fait Boutlo, pareil, je suis pas sûr que, tu vois, Christophe aurait pu faire le même boulot. Et pour moi, c'est super, et c'est en plus vachement frais. Parce que du coup, à chaque fois que tu as une idée, tu te bloques pas trop, tu te brides pas trop par rapport à une personne en particulier. Et ça, pareil, je crois que j'ai besoin de poursuivre un peu là-dedans. Mais bon, il est certain que par contre, je compte vraiment aussi continuer à développer cette relation de fond que j'ai avec ces musiciens-là, ouais. Ok, et justement, une dernière question pour ce soir avant de lancer le deuxième morceau. Si tu avais la possibilité d'engager pour un futur album ou un futur morceau, un vocaliste, quel qu'il soit, vivant ou mort, qui serait-il ? Que je n'aurais pas eu. Je pense à. Alors, si vraiment c'était nos limites, j'aimerais beaucoup travailler avec Glenn Hughes. Ça c'est clair, qui est un immense chanteur incroyable. Ouais. Et qui fait beaucoup de collaborations aussi, donc c'est pas impossible. Mais Glenn Hughes, en l'occurrence, c'est vraiment, ce serait vraiment un aboutissement. Ou David Coverdale, mais David Coverdale, bon, par contre, n'a pas la chance d'avoir la voix qui vieillit aussi bien que celle de Glenn Hughes. Donc, je pense et puis qui fait quand même peu de featuring ou d'apparition. Ça. Non, mais il y aurait Glenn Hughes, il y aurait éventuellement Emily Armstrong, là, la nouvelle chanteuse de Linkin Park, je trouve formidable. Ouais. J'aime beaucoup vraiment ce qu'elle fait. Ici, il y aurait Dino Djeluzic, éventuellement. Je ne sais pas si tu connais ce chanteur. Oui, bien sûr. Qui Dino... chante avec Ron Tal, d'ailleurs, dans son nouveau groupe qui s'appelle Whom the Gods Destroy. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Dino chante incroyablement bien. Et en effet, il fait partie un peu de cette bande avec Ron, Jeff. Jeff a tendance à l'appeler, à dire que c'est son petit frère. Quoi. Donc voilà. Et puis cela déjà ce serait pas mal et puis peut-être d'autres, je te dis j'aime énormément de chanteurs, mais c'est vrai que c'est les premiers noms qui me viennent. Ok, bon, on verra, on restera aux aguets pour savoir qui seront les invités du prochain album, peut-être des stars internationales, comme des découvertes nouvelles, qui nous feront, en tout cas, à mon sens, découvrir de la bonne musique, et ça reste malgré tout le plus important. Donc, un dernier mot sur Rise, qui est le dernier morceau de l'album. Ouais. Bah, la Rise, en fait, quand j'ai fini l'album, je me suis aperçu, sans faire exprès, que ça aurait pu être un concept album, en fait. Parce que l'album, il alterne entre des morceaux qui portent un regard, alors pas pessimiste, mais un peu cynique sur notre société. Tu vois, un morceau comme Hate for Sale, il est gravement d'actualité actuellement. Et moi, je pensais à Donald Trump quand j'ai composé ce morceau-là, où on était dans les élections présidentielles françaises, où je trouvais qu'il y avait beaucoup de personnes qui prospéraient politiquement en vendant de la haine. Tu vois, de la haine des autres, en montant les gens les uns contre les autres. Tu vois, on est en plein dans le thème actuellement. Donc, il y avait ça, il y a d'autres morceaux comme Stone Cold Cynical, ça veut dire vraiment un cynique de sang-froid, tu vois. Et il y a ça, mais à côté de ça, à un moment donné, l'album, il bascule et il parle un peu de rédemption avec des morceaux comme Die to Live, avec des morceaux comme Rebirth. Et pour moi, il était important, donc... de finir l'album sur une touche vachement un morceau très rassembleur, très positif, tu vois. Je voulais pas rester sur des constats négatifs et au contraire, avec Christophe, on est très vite tombé d'accord sur le fait qu'on voulait un morceau vachement lumineux. Et comme je le disais tout à l'heure, en plus ce morceau, j'avais deux choses qui étaient claires en tête. Je voulais que ce soit un peu comme mon Hey Jude, tu vois, une espèce de balade un peu entraînante et fédératrice. Et je savais aussi déjà que je voulais mettre le solo de guitare à la toute fin. Parce que l'album commence avec un instrumental, et à la fin de ce morceau, je voulais vraiment faire un solo un peu épique qui me permette de clôturer, comme je l'ai ouvert, ce morceau et cet album par de la guitare. Donc, j'ai creusé cette idée-là, j'ai finalisé l'instru, je l'ai confié à Christophe, et Christophe, il a mis la grosse cerise sur le gâteau avec les lignes de chant qui sont juste parfaites. Ok, en tout cas, merci à toi pour tout ça, merci à toi pour l'interview ce soir. On s'écoute tout de suite, l'album est disponible dans toutes les bonnes crèmeries, qu'elles soient digitales ou en physique. Fanalo, sorti sur la Clonosphère avec ce premier album éponyme et le morceau Rise. Game will change. together we rise. What is one if we stand as one? We'll be right back. sea sick, yeah. The room is spitting and making me dizzy like venom in my veins. It got me both anxious and twitchy. It's time to open up your mind and let its truth pour raw. No more weight on my shoulders, no more weight on my heart. I need a little more clearance, breaking up with my past. Cause every thought is a fight and you won't stand no chance. High stakes, low blows, I feel you cut me open. So I'm gonna hide. You are not the monster in my bed. You are not the voice inside my head. You are just a lie I can't pretend to heal. I heal my skin from old. You are not the monster in my bed. You are not the voice inside my head. You are just a lie I can't pretend to heal. I heal my skin from wounds. Voilà pour le groupe Sierra. Voilà, on m'entend maintenant un peu mieux. Voilà pour maintenant le groupe Sierra avec Skin from Bones, sur lequel on retrouve l'ancien guitariste de In Flames. On passe maintenant à ce nouvel album de Destruction, Cheer Smear, et ses potes sont plus vénères que jamais, comme ils le prouvent sur ce Angst. We'll be right back. Voilà, Angst, comme le dirait ce bon vieux Schmir, sur ce dernier album de Destruction, Silver Dust maintenant, pour cet album qui sort sur M&O Music, qui mélange metal extrême et partie un petit peu plus orchestrale et production un petit peu symphonique. Un son un petit peu à la Gojira également sur cet album, assez sympa à écouter, Symphony of Chaos. Avec ce morceau Symphony of Chaos, morceau titre extrait de cet album sorti sur le label M&O Music. Il est temps maintenant de conclure Overdrive avec Urgewilt par le groupe Verever. Ce sera du black metal. On remercie encore une fois Fanalo pour l'interview ce soir. Vraiment, jetez-vous sur son premier album éponyme si vous aimez le hard rock en tout genre, Silver Dust, enfin plutôt Verever, maintenant avec Urgewilt. On rappelle la semaine prochaine du côté du Clapier à Saint-Etienne, concert métal, vous retrouverez Evolution qui nous sortira son nouvel album au clapier. Ce sera le vendredi 11 avril prochain. Et on rappelle le www.radiodio.org, on rappelle le www.facebook.com/overdriveradiodio pour retrouver toutes les nouvelles de l'émission Overdrive ainsi que les podcasts. Merci, ciao, bye bye.